boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. J'ai croisé l'autre jour lui qui s'aiguisait les crocs. Elle jette même pas un regard au jeune loup qui passe dans la rue. Lui, la drague, elle n'en a rien à faire. Comme si autour de ses deux yeux tournait la terre entière. On dit qu'elle est un peu sorcière. Elle fait la pierre, mais moi je la trouve solitaire. Lui aime danser et il y a des bandes dessinées. Ce sont les potes de DJ qui ouvrent notre 142e Pop and Rock, drôle d'entrée offerte par les Lulevent Trap. Drôle d'entrée parce que la suite de Pop and Rock sera de couleur bien différente avec tout de suite, puisque si on reste avec Lulu, il s'agit cette fois de Lulu and the Lampshades qui reprend la bande originale d'une super série de Arte et de Detectorist à voir absolument. I got my ticket for the long way round. To buy the whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. Yo, I'm leaving tomorrow, what do you say? When I'm gone, when I'm gone, when I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. You're gonna miss me when I'm gone. I got my ticket for the long way round, the one with the prettiest view. It's got mountains, it's got rivers, it's got woods that'll give you shivers, but it sure would be prettier with you. When I'm gone, when I'm gone, when I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. I got my Mais laissons là les chasseurs de trésors des lointaines plaines anglaises pour nous replonger vers un univers tout aussi rural, mais plus, comment dire, plus terroir, plus américain, avec la famille Handsom. Cheek against my sister's, we were born like tangled vines. We lived along the river where the black clouds never linger. The sunlight spread like honey through my sister's tiny hand. While picking sour apples in the wild waving grasses, sister stumbled in a briar and was bitten by a snake. Every creature casts a shadow under the sun's golden fingers. But when the sun sinks past the waving grass, some shadows are dragged along. Yep. Took to drinking bottles of cheap whiskey and staggering through the backwoods, killing snakes with a sharpened stick. Oh, but still I heard her laughing in the wild waving. Still her tiny hands went splashing at the river's sparkling shore. So I took my rusty gas can and an old iron shovel. I set the woods to burning and I choked the river up with stones. Every creature casts a shadow under the sun's golden finger. When the sun sinks past the waving grass, some shadows are dragged along. Handsome Family. Comme tous les lundis de 17h à 18h, vous êtes bien sur le 104.6 sur la trail locale Radio Val-de-Rhin et vous écoutez Pop and Rock. Thank you. Bon, je l'avoue, pour ce début de Pop & Rock, on fait pas dans le connu ni dans le gros vendeur de disques, mais vous le savez, si vous écoutez de temps en temps Pop & Rock, ici, le but c'est de faire un peu le contraire des radios dites périphériques. Si vous aimez, si vous découvrez ne serait-ce qu'un seul artiste, un seul titre sur la quinzaine de ce soir, notre mission sera accomplie, surtout si nous vous donnons envie d'arrêter d'incurgiter la bouillie pré-mâchée qui remplit les médias. Alors cherchez, grattez, puis partagez. C'est ce que je fais avec un second titre de Underground Youth. Tiny skulls carved out of every stone. I've got stuffed birds and beasts that I gave a home. I've got a celestial glow made out of golden bone. And an altar of ivory, its origin is unknown. Oh, I can tell by your face that you're not impressed. All I want is your love. It's high time I confess. Oh, all I want is your love. It's high time I confess. Well, I've got miniature paintings by great masters of art. Lost manuscripts, they're all falling apart. I've got sculptures crafted out of Jerusalem bone. I've got a dragon's head and a unicorn's horn. And as I can tell by your face that you're not impressed. All I want is your love. It's high time I confess. Silver crucifix. I've got a Norwegian fiddle that's encrusted with pearl. And I'd give it all up for you if you'd just be my girl. But I can tell by your face that you're not impressed. All I want is your love. I don't care what comes next. Le Leuven Trap, Lulu and the Lampshades, The Hanson Family et The Underground Yours, si vous êtes encore là, vous méritez une petite récompense. AC/DC, petit cadeau du soir. Et on poursuit avec ces groupes que j'adore. Vous savez, ces groupes de fous furieux qui de temps en temps se posent pour nous offrir des moments inoubliables. C'est ce que font Alice in Chains et Pearl Jam quand ils se réunissent pour nous offrir Alone. Sur la page Facebook de Pop & Rock, les petits enfants du rock. Coming up only to Band of Horses, vous savez, ces mecs dont on connaît la chanson tout en étant infoutu de donner le nom du groupe, c'était donc Band of Horses. Et pour poursuivre notre pop and rock qui commence à s'endormir, la maison herverienne se voit dans l'obligation de sonner l'heure du réveil et la quoi de mieux qu'un petit blur. ACDC, Blur, Pearl Jam, que des têtes d'affiche. Alors à présent, repartons vers des trucs à découvrir et à manger sans modération. Steven Wilson. We'll be right back. Steven Wilson et son self qui ont, je l'espère, excité vos papilles olfactives avec ce son très pop-rock qui incite peut-être vos synapses à vous connecter au monde étrange de la musique. Si ce n'est pas encore le cas, alors je suis obligé de vous envoyer une dose en intraveineuse de Queen of the Stone Age. Avec les Queen of Stone Age, on est bien flanqué au 21e siècle. Au siècle passé, pour planer, on écoutait des trucs encore plus étranges, comme par exemple les Lords of the New Church qui voulaient danser avec nous. Thousand miles, you made the angels fall. Once you dance. Et après avoir dansé toute la nuit, les Lords voulaient jouer à un tout autre jeu. Sinon, il y avait un titre Play for Today d'un groupe que vous connaissez, Les Cure. fin de notre Pop and Rock n'est plus loin, mais ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas nous quitter sans fêter la sortie du dernier album de No One Is Innocent. Accrochez-vous, ça déménage tout d'abord avec Doberman. Pop and Rock fête la sortie du dernier album de No One Is Innocent. On vient d'écouter Doberman, on enchaîne sur un instrumental Armistice et on se quittera avec les Hyènes de l'Info. Et sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous.